Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les fantômes, en croise-t-on partout ? Non, bien sûr, sinon, n'étant plus si rares, ils deviendraient vite communs. Les fantômes choisissent sans doute le milieu où leurs apparitions de bon ton ont le plus de chances d'être appréciées par des gens de valeur, donc. Ainsi le démontrait ce court entretien signé Micheline Sandrel, laquelle, Micheline Sandrel, enquêtait sur les fantômes de la haute société. Nous étions le 3 février 1950 sur la chaîne parisienne. Christine Garnier, vous croyez en la réalité des fantômes ? Oh, j'ai des tas de raisons d'y croire. Parce que j'ai des fantômes, mais j'ai surtout des amis qui en ont. Bon, eh bien, commençons par les amis. Qui a des fantômes ? Eh bien, Carven, par exemple, que je connais très bien, a acheté un magnifique prieuré qui a été bâti sur les ruines d'un cimetière de moines. Oui. Et les premiers temps, après l'avoir modernisé et embelli, elle a eu la désagréable surprise d'entendre des soupirs tous les soirs, à partir de minuit. Des vrais soupirs ? Des soupirs, je vais vous dire, voilà, exactement comme ça. Ah, des soupirs, des lamentations et des sanglots étouffés. Et elle a pensé que c'était un oiseau ou un vagabond qui s'était endormi. On a fait des tas de recherches et il s'est révélé que c'était un soupir qui venait de nulle part et de partout à la fois. Et un soir, nous avons fait un dîner avec des quantités de gens, dont l'ambassadeur du Pérou. Et tout le monde, vers 10h du soir, a pu entendre ce soupir qui partait de tous les côtés à la fois de la maison. Nous sommes sortis, c'était l'été, il faisait un temps merveilleux. Et sous les arbres, ce soupir nous a suivis. Cette plainte nous a suivis, nous a entourés. Et Carven était assez ennuyé de cette histoire. Et je lui disais, tu as tort, c'est une merveilleuse publicité, tu as même un fantôme à toi. Enfin, son mari a fait des recherches. Un jour, on a trouvé deux squelettes dans le mur. Et c'était deux moines qui avaient été emmurés vivants. Et on l'a compris de ce jour-là, alors que les soupirs venaient de ces deux squelettes. Une autre histoire de fantôme, Christine Garnier. Mais j'ai un ami qui est mort et que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Hernandez, qui était un sculpteur animalier, que vous connaissez tous. Et il avait une maison hantée. Cette maison était très grande, elle avait 3 étages et tous les volets étaient fermés. Il n'ouvrait jamais les volets de cette maison. Et le soir à minuit, il nous invitait très souvent et on voyait une forme blanche qui passait à travers la fenêtre. Et il disait, je connais très bien cette forme, c'est une ravissante femme. C'est la fille du Gréco. Et toutes les nuits, elle s'assied au bord de mon lit. Elle vient me parler de peinture. Bon, je savais que chez Hernandez, il y avait des ours vivants. Ah, il a des tas de bêtes, bien sûr. Il y a des otaries, un ours et des poissons apprivoisés. Mais je crois que son fantôme était son favori. Son animal favori, si je puis dire, si j'ose dire. Je crois, Christine Garnier, que vous avez un fantôme à vous. Ah oui, j'ai un fantôme qui est le fantôme d'un chat. J'ai toujours eu la passion des chats depuis que je suis petite. Et celui-là est un chat particulier. C'est un horrible petit chat noir que nous avions appelé Rousti les moustaches. Et un jour, une inconnue est venue taper à ma porte et m'a dit « Prenez ce chat ». Elle tenait ce chat dans ses bras. « Prenez-le, il vous portera chance ». Et je trouvais ce chat bien laid, mais je l'ai pris quand même. Et pourtant, j'avais déjà 7 chats de maison. Et ce petit chat, en effet, nous a amené des tas de choses merveilleusement agréables, alors que nous nous trouvions dans des complications à ce moment-là. Il a vécu très peu et un soir, nous l'avons trouvé étendu raide mort sur le seuil de notre maison. Depuis lors, il nous a amené sa présence. Enfin, il avait des miaulements particuliers que nous entendons le soir, très nettement. Il saute sur notre lit quelquefois, nettement, enfin. C'est extraordinaire. Je lis quelquefois vers 10h du soir et il y a un petit creux qui se forme dans mon lit. C'est le chat, l'invisible chat qui vient se nicher près de moi. Est-ce qu'il continue à vous porter bonheur ? Il continue toujours à nous porter bonheur, en ce sens que quand de grands événements pour nous se préparent, il apparaît. Enfin, il apparaît pour moi et pour mon mari. Il pousse son petit miaulement spécial et nous sommes sûrs que le lendemain, il va nous arriver quelque chose de très joli. Est-ce qu'il apparaît seulement dans votre appartement ou n'importe où? Il apparaît n'importe où. Il apparaît dans nos voyages. Nous l'avons même vu en Afrique. Et un sorcier nègre m'a dit un jour, tu as un tigre noir près de toi. Et c'est un petit tigre égyptien. Et c'était évidemment le chat en question. Et il n'y a que le sorcier nègre qui soit sensible à sa présence, indépendamment de votre mari et vous? Et non, les plusieurs voyantes, parce que je crois beaucoup aux choses d'au-delà. Plusieurs voyantes m'ont dit, vous avez derrière vous un chat noir qui vous protège. Et vous l'avez connu au temps des Égyptiens. Mais dites peut-être qu'il est là avec nous. Ah, peut-être, il nous entend. Il nous entend maintenant. Mais dans les fantômes que vous avez, est-ce qu'il y a des fantômes désagréables ou des fantômes agréables? Les fantômes désagréables ne s'approchent pas de moi. Il n'y a que des fantômes agréables autour de moi. Et j'en ai connu un qu'une amie appelait le fantôme soyeux. C'était à Copenhague, dans un merveilleux palais. Et dans ce palais, une vieille dame était morte, qui portait toujours des robes de soie, de grandes robes froufroutantes. Et après sa mort, sa robe est restée. Et très souvent, on entendait des crissements de soie. Et mon amie, qui vivait dans ce grand palais, disait toujours « Voilà mon fantôme soyeux ». C'était Enquête sur les fantômes par Micheline Sandrel avec Christine Garnier. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 3 février 1950. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.